émission. Une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock. 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Vald. Et c'est parti pour une nouvelle soirée avec Val dans ce soir de réveillon, en ce soir de 24 décembre. La naissance. C'est Papa Vald. C'est Papa Vald, oui. C'est avec nous. Tout à fait, ouais. Entre 21h, ça va bien, Val? J'ai ramené ma hotte, ouais. Oh, oh, oh. Qui a-t-il dans ta hotte? Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta hotte, Val? Il y a NQNT aussi disponible sur iTunes et ça, Google c'est très Play. Bien. Donc ça, c'est un bon cadeau pour les cadeaux de dernière minute. Hein. Tout à N'hésitez fait. Pas à cliquer, par exemple, là. Bon, c'est vrai que normalement, le réveillon, on est en cours, mais... Ah. On ne sait jamais s'il n'y a pas de cadeau. Il y a des gens qui sont partis, il n'y a pas de cadeau. Un petit cadeau digital, ça fait un plaisir. Un petit cadeau digital, bim, vous cliquez, c'est fait en quoi? En 2 minutes, on a l'album, non? Sûrement moins. Mais moins, d'ailleurs. Oui, ceux qui ont le haut débit, ça va très vite. Oui, et puis même si vous le voulez, un cadeau physique, un peu qu'on peut toucher, commandez-le sur le site VLDTV. Bon, je vous l'enverrai dans les plus brefs délais. Ouais, combien de temps? Parce que c'est important. Le 24 décembre, est-ce qu'on peut l'avoir avant? Ah non, s'ils le commandent aujourd'hui, ils ne l'auront pas ce soir. Ça n'a pas de sens. Non, mais pas ce soir, mais dans les 2-3 jours. Ils peuvent l'avoir samedi, tout à fait. Samedi. Allez, Vald, NQNT à découvrir cette semaine. Tout va bien, tu es arrivé avec une grosse équipe pour ce soir de réveillon. Totalement, je suis extrêmement entouré ce soir, je vais tous les présenter. À ma gauche, Succombe Lazadé, à ma droite, INCH, en face de moi, Missac de l'animalerie, les meilleurs lyonnais. En face, il y a Air Fugit, il y a Sup, il y a Bazou, il y a BBP, il y a Delors, il y a Mercus dans la place, il y a Katana, il y a Cro. Challah Rabakar, il arrive à temps. Bref, une sacrée équipe. Inch, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais le blast du mec qui va freestyler aussi là-bas. Wojtek, bordel de merde, mon père est venu avec moi ce soir. Il y a aussi un mec. Oh, moi, ça va, Inch, t'es sûr? Attends, on est tranquille, hein, tout va bien. C'est pas tout de suite le freestyle, tranquille. On fera un gros freestyle ce soir. C'est cadeau de Noël offert par Vald et ses amis. C'est bon, ce soir, gros live de prévu avant la fin de l'émission. Une trentaine de minutes de live. On verra si tu peux tenir avec ton équipe, ce sera tout à l'heure dans l'émission. Mais juste avant, on va se rappeler ce qui s'est passé hier soir. Rappelons-nous. Hier soir était une grosse soirée. Et c'est exact. Et ça donnait ça. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. T'as prévu quoi toi pour le réveillon, Vald? De manger avec ma famille. C'est bien. Et de leur faire des bisous. Beaucoup de cadeaux, beaucoup d'amour. Surtout beaucoup d'amour. Pour l'instant, le projet qui est sorti. Ouais, bien sûr. Hein. Non, ça fait très plaisir. Le projet est sorti. C'est un excellent cadeau pour les fanatiques de rap. Voilà, c'est du bon rap. C'est carré. On se fout pas de la gueule du monde. Attention, les mecs. Ça s'appelle NQNT. Tout à fait. Que tu traduis par ni queue ni tête. Ni queue ni tête. Si vous aussi vous avez votre définition de NQNT, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Hein. Il peut y avoir plusieurs définitions possibles. Tu fais peut-être un truc bien, relou, sous ta ministre. Trop de corrompus, frère, défoule pas sur les bons. Trop de pédophiles, frère, défoule pas sur les bons. Bang, sous ta ministre, bang, sous ta ministre. Si tu veux quelqu'un, relou, sous ta ministre. Bang, Planète Rap. Alors, je suis un rappeur blanc et blond. Et alors, est-ce que c'est un problème? Non, c'est une caractéristique. Ouais, en réalité, c'est une propriété plus qu'un problème. Mais le rap, qui t'a mis dedans, toi? Le rap qui m'a mis dedans, c'est l'ennui, l'oisiveté. Et l'oisiveté ne mène qu'à des péchés. Du coup, j'ai fait du rap. À quel âge? J'avais 17 ans, comme Booba. Ça veut dire qu'une belle carrière t'attend. Tu vas lancer des fringues, tu vas lancer un parfum, peut-être? Ouais, bien sûr, je suis en train de racheter drogue, là. Planète Rap, le freestyle. Tire-en deux pour ta vie de cochon. Bouffe une queue pour ta vie de cochonne. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vite cochon. Non, je veux pas vous vexer. Vexer mon râle, c'est dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. Fais ce que tu penses être bon, mais surtout ferme tes fesses. Non, je veux pas vous vexer. Vexer mon râle, c'est dommage de s'excuser d'être un excellent schlag. Cesse de penser que c'est bon tant que tu prends pas de cesse. Fais ce que tu penses être bon, mais surtout ferme tes fesses. Tente le racket, le deal, même les baskets, le jeans, la rue à l'aide, le vice. Excite ses partisans, mes fils, t'as pas raison, nique ta mère. Tifaguette, continue si t'adhères à Israël. Pauvre con, tu fais la même chose que quand tu bolosses une vieille avec tes frères colons. Eh, c'est quoi le blême pro? Foutre la merde, c'est ton cri de détresse. Abruti, t'es le cafard qui s'est pris le système. J'hallucine, éteins si tu vois pas la propagande à la télé qui adore que t'es la mort à vendre, je t'emmerde. Je dédicace les frères qui rament en vrai. Les airs si graves sur les visages, en bref, les autres putes sont dérisoires. Tout le monde touche. On est sous bois vert. On est sous bois vert. Devant tout le monde. Planète Rap. Planète Rap.

pour ça que vous avez lâché la religion hein. Si ta culture c'est le porc, non, tu détruis prouve comme un porc. Bande sur détruit, j'ai la bonne. Dose à enfiler dans ton coin. Viens enquiller dans mon coin, c'est la boucherie des jambons. Tire un trait pour ta vie de cochon. Tire en deux pour ta vie de cochon. Bouffe une queue pour ta vie de cochonne. Vide un verre, roule un terre. Appelle-moi vite cochon. NQNT, c'est le projet de Vald avec ce morceau qui s'appelle Vite Cochon qu'on écoutait à l'instant ce soir. Vald avec nous entre 20 et 21, comme ce soir c'est réveillon, c'est 24 décembre. On va se plonger dans tes souvenirs. Est-ce que toi t'as des souvenirs de cadeaux les plus réussis et les plus pétés qu'on t'a fait pour Noël? Ouais, on m'a offert un ballon de foot une fois, ça m'avait touché. Donc ça, beau cadeau. Ouais. Sympa. Ouais, non, vraiment bien. Et le plus pété Le plus pété là, comme ça là. Un GPS. Ah ouais, j'étais trop énervé quand on m'a offert un GPS. Mais t'as une bagnole, t'as un scoot, t'as un truc ou ouais, pas? Ouais, j'ai une voiture. Et alors GPS non? Ouais, mais c'est un cadeau à la con, parce qu'on en a rien à foutre de recevoir un GPS le jour de Noël. Bah, pour t'orienter, pour te guider. Ouais, non, mais je parle en sale gosse, peut-être. Mais c'était le cadeau le plus décevant. Ouais, le cadeau le plus pété. Tiens, dites-nous, vous aussi, hein, le 24 décembre, vos cadeaux les plus pétés que vous ayez reçus. Envoyez 41759. Le hashtag Vald sur Skyrock. Vous balancez en ce soir de 24 décembre sur Skyrock. Comme c'est la magie de Noël aussi, parlons un petit peu de cette magie du rap. Toi, est-ce que tu pensais faire carrière dans le rap? Est-ce que tu pensais à un moment sortir un projet? Ouais, non. Quand t'as commencé à écrire, quand t'as commencé à rapper, quand t'as... Non, moi je faisais ça pour rigoler. C'était pour passer le temps, pour tuer le temps. C'est quoi d'ailleurs ta vie, toi, Vald? Avant le rap, j'ai envie de dire, mais j'étais étudiant. Étudiant. Ouais. Jusqu'à ce qu'on vienne me chercher dans ma chambre. Et donc quand on est venu me chercher, quoi, c'était troisième, seconde, première terminale ou plus loin peut-être. C'était licence maths informatique. Ah ouais. Après, pardon, on est venu me chercher dans ma chambre. Ouais, non, enfin je dis... Mais attends, excuse-moi, je savais pas que t'avais été aussi loin dans les études. Je n'ai pas mal pris, par exemple. J'ai commencé par troisième, je me suis dit, merde. C'est l'habitude. Donc licence, et alors à un moment, non-stop, licence maths... C'est pas ça, c'est qu'on est venu me chercher, en fait, c'est-à-dire Tofa et... Mais qui est venu te chercher? Qui t'a récupéré en pleine licence? C'est-à-dire... Le mec est en licence de maths, merde, t'as des gars qui arrivent et bim. C'est-à-dire, c'est Tofa, Mercus, Tunisano, ouais. Ils sont venus me chercher, ils ont proposé de travailler avec moi, et puis moi j'arrivais pas à lier les cours et à travailler sérieusement avec eux, du coup j'ai mis ça de côté. Mais tu penses un jour peut-être reprendre les cours, la licence, ou... Bah si ça marche pas, ouais, je reprendrai. Ouais, sans autre plan plus élaboré que ça. Non mais tu penses à quoi avant de faire du rap? T'avais envie de quoi? Je voulais être professeur. Ouais. De maths? Ouais, de maths, ouais. Putain, toi t'es un mec qui sait calculer. Ouais. Bah, pas forcément, mais ça s'apprend quoi. Voilà, ça s'apprend, ouais. Donc je suis ce genre de mec en fait qui sait calculer. Non mais ouais. Attendez, ne sous-estimez pas Vald. Je crois que nous avons l'ai vu calculer, je peux te dire que c'est pas là. Par exemple les calculs de l'album pour l'instant, est-ce que ça va ou... En fait on avait pas vraiment fait de calcul. C'est plus les gens qui nous ont poussé à faire des calculs. Parce que nous on voulait sortir en indé en fait. Après les maisons de disques nous ont cassé les couilles. Mais tout mon amour avec celle-là. Tu as signé chez Universal. Avec Barclay, ouais. Avec Barclay. Ouais. Bien, pour l'instant ouais, tout non, se passe bien. Ouais, franchement c'est des bons gars. Ils sont très gentils. Ils ont l'air efficaces. Mais ils sont pas là le 24 décembre. Non, ils sont pas là, ils ont... ils ont de la famille. Ouais, ils ont des voyages, tout ce qui est Bahamas, tout ça. Non, mais cette signature, c'est important pour toi, en tout cas, voilà, parce que tu parlais d'indépendance, c'était quoi quand t'as commencé à rapper, tu t'es dit ouais... Ouais, bah je rappais dans ma chambre. Mmh. Après, c'est important pour mes parents, surtout. Beaucoup pour mes parents. Moi, je m'en rends pas vraiment compte au quotidien, puisque je fais la même musique que d'habitude, tu vois. Après, ils nous supportent, je sais qu'ils ont contacté je sais pas combien de journalistes... pour nous interviewer et alors, faire des ça vidéos multiples et tout ça. Ouais non, ça marche plutôt bien. Donc ouais, je suis content. L'exercice justement de l'interview, c'est un truc que t'aimes bien ou... Ouais. Tu rencontres des gens sympas parfois. Ouais, non, franchement. Regarde, tu passes une semaine dans Planète Rap. Ouais, non, ça fait super plaisir, ça tue. Mais après, c'est un exercice un peu particulier, puisque dans la vie, en fait, on ne m'écoute pas. Ce qui fait que je suis pas habitué à ce qu'on parle et qu'on ferme sa gueule. Et là, on va t'écouter toute la semaine. Ouais. Et notamment ce soir. Avec du live, un gros live de prévu. C'est le cadeau de Noël de Vald. Il offre 30 minutes de freestyle avec beaucoup de monde au micro aussi. C'est parti, régale. On vous représentera d'ici quelques minutes. Juste avant, on met un morceau de NQNT. Mettons Partout Atis. Partout Atis. Pour ambiancer tout le monde. Eh bien, ambiançons tout le monde sur Skyrock. C'est parti, Partout Atis. Bye-bye. Extrait du projet de Vald. NQNT. N'oublie pas. Jamais. Ce qu'on blase. Reste fort. Toujours. BBP, Dollar, INCH, Nasdal, ROC, Giorgio, DF, Bazou, Rabakar, Screech, Goon, Jarod, Will Sketch, l'animalerie, tout le monde, tous ces gens,

C'est Skyrock et c'est le Planète Rap en ce 24 décembre avec Vald au micro et pas tout seul ce soir. Gros live de prévu. C'est son cadeau de Noël, son cadeau de réveillon à Vald qui est là. Bang bang. Avec son projet NQNT. Beaucoup de monde, bah, ils vont se présenter au fur et à mesure qu'ils vont prendre le micro. Y a pas de souci. Donc on peut attaquer. Bip bip. On peut tout Inch tout est prêt. Au platine. Au platine. Au platine d'elle. Ouais. En tout cas, il est là, gros. Allez, c'est parti. Coup d'envoi de ce live maintenant. Ok, c'est parti. Ah. NQNT partout disponible. Oui. Succomblaze AD. Oui. INCH. Oui. Misak. Oui. Tronche. Oui. Katana. Oui. Hein? Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. Merry Christmas. Joyeux Noël. Oui. Joyeux Noël. Ni tête mais qui met quand même bien. Des bibles méfiants m'ont pris pour un martien. Méfiant je retire les strings. Fais des matures pour le déj le matin. Y'en a marre de la fin. La fin du joint, du parfum, du ravin. Joindre les mains, flotter comme Séraphin. Mais frotter des putes c'est pas bien. Gober des flûtes c'est malsain. Poteau pour les études j'ai la faim. Quand j'ai un but je l'atteins. Que ce soit comme ci, comme ça. Quand on parle d'homicide on me capte. Je veux la comédie devant les cops. Je veux la street cred. Je veux plus rentrer discrètement dans ma visière. J'ai des fils de pute, j'ai des pédermes blancs. Mais tu manges des petits jets. Ray Ban car je suis fond sur la photo. T'aimes pas mais j'ai bon fond. Bon faux jet, je veux les bouffons pour les foufounes. C'est pas mon fond de com. Sourcils froncés pour pas sortir les outils. Roupiller trop, bousiller soutise comme un autre ouvrier. J'oublie, j'oublie mon bon billet. Youpi yo, youpi yo, roule. Né sous la souffrière, c'est la guerre. C'est la même merde que la guerre. J'ai vu Cerber en Iker. Jack c'est la même verre qu'au pas d'Ev. Je répète, chaque taf c'est la der. PD, chaque taf c'est la der. Mais mes mères fait la gueule parce qu'on n'a pas des bons sénateurs. Moi j'ai un monde, j'perds à queue. Proto, j'ai peur, j'ai pas de congélateur. J'prends jamais de congé ma gueule. Venez pas me ronger la tête sans même longer la feuille des yeux. Oh la la la la. Putain de sa mère, j'ai plus faim que la veille. J'ai plus d'un bulletin de salaire. J'ai qu'une bien plus d'un paquet quand survient la scène. Tu schlingues la fesse, putain de faillette. Ni queue ni tête, mais qui met quand même bien. Bien. Ni queue ni tête, mais qui met quand même bien. Bien. Ni queue ni tête, mais qui met quand même bien. Bien. Ni queue ni tête, mais qui met quand même bien. Bien. Ni queue ni tête, mais qui met quand même bien. Bien. Ni queue ni tête, mais qui met quand même bien. Quand on sert le lait, lait. Sniff sniff vite avant que ton père te baisse. Baisse. Pique-nique au milieu des victimes. Bill, si disent-ils qu'il faudrait qu'on reste gay. Si tristement je dégomme des cordes et des putes et les putes décollent. Mais que les gus décollent. Pas trop le patron c'est Wam donc ferme ta gueule. Et surtout cache-moi cette foutue tête de verre. J'étais ma princesse, je suis ton cravo. Celui qui est un sadomaso. Schiste crado, tire ton chapeau. Allez t'es vraiment un salaud bravo. Une petite garo ça rend paro. L'alcoolo d'en face gros j'ai dalle. Que pour roi t'as part du talent. Donc j'en vends pas, je fais mes travaux sans entrave à la justice, même si je vis en ça du SMIC et je vise de mettre au paragole. J'ai trop de paraboles pour niquer. Mes doutes c'est le cas, j'ai fait du tourniquet. J'écoute mes gars, j'écoute tes gars et je me dis qu'il y a de quoi devenir vite parano. Et peut-être que j'ai pas la bonne tête, j'ai un prophète, profite gros. J'ai les crocs d'un gorille drôle ici. Et la police profine de toi, ramener les drôles ici. J'ai omis de vous dire, j'avais des gros missiles planqués dans l'officine. Donc rangez vos zizi. J'aime pas vos disciples, j'aime pas vos lyrics. Donc rendez-vous à l'homicide. Dégage, pétasse, pénasse. J'ai pas le temps d'étudier tes passes, tes rats. J'ai v'là le sens décuplé. T'as écouté, tu récupères tes bras, tes femmes sur les gouttes. À la fin du spectacle, ni que ni tête, Merry Christmas. Bien. Ni que ni tête, Merry Christmas. Merry Christmas. Alors qui est chaud pour la suite, les gars? Y a-t-il des autres rappeurs autour de cette qu'on a appelé des gens? Alors qui est chaud? C'est okay. C'est pour Châteaudun, Nanterre, Rennes. Pour tous les frères enfermés. Diban, merde, Diban, merde. Check, check. J'ai le rap remède, le flow tsunami. Les paroles qui agissent comme du synthol. Mon ami c'est la merde et c'est mon avis. Je te le confirme qu'on les dérange comme des cafards. Mais la star fout le bazar et l'ambiance est bizarre. Hey, pour baiser sur une table de billard faut briller. Ouais, je suis pas un démocrate, je fais que des démos sales. Écoute ma démo des grosses faces, je démonte. Appelle-moi le démon visionnaire qui pense à demain. Si je mens, coupez-moi les deux mains. Les vici quittez gras sur le tosma. J'ai la lyrique à tosba. Tu peux me croiser en boîte mais je danse pas. Détecteur de bâtard me tente pas. Je pourrais poser ma tente là t'es fou. Toi Paris capitale du rap et du foot gars. On s'est foutu le sga, on s'en fout de nos droits. Tu connais pas le détroit, donc tais-toi. Entre la rue et les sentiments, y'a un détroit. On dit quoi? On s'en bat les couilles de les soldes man. On est des soldats, régiment Bicha V10. Bang bang. Yo Inch laisse la prod. J'ai un message pour ma maman. Yo Maman, tu sais que le rap c'est que des conneries. Et que dans le passé j'en ai trop pris dans la gueule, alors maintenant je le lâche dans le chromie. Tu pourrais prendre mal ce que je raconte, par contre c'est un gars con qui prend ma place quand j'attaque la feuille blanche avec le stylo bic. Et je rêve de plus en plus de gros bif. Moi t'en as plus, t'en veux, les fins de mois sont tendues. Attention à ne pas devenir hostile, c'est ce que je me dis tous les jours et toutes les nuits. Je pense à les tuer tous, mais Dieu est fou donc je me penche vers Satan, c'est horrible. Mais tout le monde sait que je suis trop petit. Mourrais en vrai, faudrait que j'opère mon père, juste histoire de savoir ce qu'il a collé au trip. Est-ce que t'es vraiment persuadé qu'il connaît son fils? Donc faut arrêter de dire que je lui ressemble trait pour trait. J'ai des paroles assez rudes et j'ai plus de vices que de vertus. Alors un jour je te prendrai à part pour te dire ce que je m'excuse. J'ai bien plus que de l'innocence dans les veines et j'en ressens les faits quand je plie vos samples les soirs de pleine lune. Pourquoi gaspiller votre encre? J'en tremble. Si je te rentre dedans, tu risques de perdre nous de tes 32 dents. Voilà le discours que je tiens parce que c'est ce que les gens me demandent. Maman, t'as mis au monde la prochaine légende de France. Ça c'est dit, je mérite bien plus que des acidiques. Je vais plaquer le smic vite fait et ma mérime. Mystère et boule de drogue. Quand j'écris, pas besoin de bonnes vœux. Sans me vanter, je me place bien au-dessus de vos satellites. Quoi, c'est pas terrible? Tu trouves vraiment que mes textes sont pas terribles? Je m'arrête là, je m'arrête là. Oh, c'est comme ça qu'on fait ça, tu sais. MPM, GB Team, belle vie. Yeah, c'est ton boy Fu. R-F-U-G-I-T. Yeah. Mon couplet est trop long, je crois que je vais laisser des mots. Je veux pas blesser des mômes comme Zé Pequeño. On va péter les os, tu vas aimer les flots. Sois pas stressé négro, on va rester ghetto. Essaye de t'aimer avant d'aimer les autres. Si le rap n'est pas fait pour toi, fais de l'électro. Plus facile de prendre perpète que d'avoir un CDI. C'est écrit et mes rimes vont baiser tes sauces. Le vécu est costaud comme les bras de Rambo. Poto, ton rap fait autant de bruit que les applauses d'un manchot. Ma gueule, t'as le seul. Un peu de Niaxon et ça devient un thriller. Michael Jackson. J'ai souvent la tête creuse quand j'ai les couilles pleines et je deviens nerveux dans tous mes couplets. Poulette, tu vas boiter comme les roumaines. Si la vodka est russe, on peut jouer à la roulette. Yeah. Oh. C'est comme ça qu'on fait ça, tu sais. Ok. J'ai du pain sur la planche, plein de trucs à vendre. Ouais c'est dur mon fusil, mais je vais pas me plaindre vu que j'avance. J'ai fait mes choix tout seul, on m'a pas mis de flingue sur la tombe. Big up à ma jungle, l'animal répien sur ma bande. De 15 à 30 puis j'y pense qu'au fil et au shit. J'ai des projets, je m'en bats les glas, oui d'enfiler vos bitches. Je suis inclassable, faut pas se fier au fit. Moi je résume pas ta pratique de la foi, un filet au fiche. J'ai pas rappé sur la tête de Christine Boudin. Toi tu prêtes ta boîte, ta boudin contre une paire de choses le boudin. T'en fumes des vertes et des pas mûres. Mec éteins ça ma merde, étincelle l'animalerie, la fierté des canuts. Ils lisent pas assez de glyphes, hein. Soyez bêtes si vous voulez. On dirait que vous vous foulez pour m'agacer le chibre. Et je veux rester debout au point que ça m'empêche de tomber d'accord. Quand on écoute ce que t'appelles rappeur, on se fait chier comme des rats morts. Je reste raccord. Que tu m'écoutes de n'importe où mec. On les aimera jamais comme une meuf qui chie la porte ouverte. Je remets le couvert même s'ils pensent qu'on mange qu'avec les mains. Ils me donnent des migraines et je me soigne avec des trucs qui achèvent mes reins. Mauvaise élève, je fais que des coups de maître. Je m'en bats les couilles vu qu'on peut refaire le monde qu'avec des coups de sexe. J'essaye de construire comme le peuple à cool chaîne. Ce pays a sa couche pleine, ses habitants des poules caisses. J'espère que je me lèverai demain. Mon esprit dans le radma, les raids me fait les perdre sains. On n'a pas les mêmes valeurs, si la réussite a un goût de bitch, je veux pas les mêmes saveurs, je laisse faire le destin. Je reste humble, je suis meilleur qu'eux. S'il faut qu'il en reste qu'un, je me couperai en deux. La victoire sert à rien si on la partage pas. Je mène un vrai combat, ces connards font des bagarres, schlag. Damn. Miss Sack. Damn. Right. Damn. Ok. Mais ça, il était très fort dans les oreilles, vas-y, j'ai un jeu. VLD, entouré toute la clique. Si. NQNT disponible partout. Yeah. Ce monde est grave, je démarre avec un truc des magots. Les gars, on va pas s'entendre si votre magot c'est magot. Je démarre où? Des cavous, toute l'année y'a des travaux. Les vagos à l'arrêt, les traces de pneus dans les caleçons, c'est le tableau. Du tac au tac, je monte un bobard pour pas vous voir, on t'avoue. Vous n'y servir à rien tandis qu'on l'avoue, on l'avoue. Jus de patate de Moscou, une poulette pour 12 couilles. Les plus bavards crient au secours, mais on se serre les coudes. On s'est mis dedans, non, pour le goût, c'est évident. On traîne les pieds, ce sont les temps qui courent. Putain, je t'en prie, ne faut pas tourner dans les environs. Ne m'ennuie pas des gants, dit-on. Même avec ceux qui en disent long et en disant. J'en ai pris 60, c'est enivrant. Je sais tout, je fais toute la daronne de l'enseignant. Je rentre le parasol, même la parabole. Même si t'as pas la force, tu vas l'apprendre. Enseignant. Si, VALD. Tatsana, yo. Ok, on peut y aller sans tablier, ça va crier. Mamma mia, comme les dents carriées, c'est le cœur qui parle. Bouge ton trou du cul, bouge ton dirty surf. Comme le... Tu... Te rappelles-tu de moi? Je réponds à l'appel du devoir, délinquante. Je déchire le sujet pour mes délinquants. Sans diplôme, oubliez même l'état humanitaire. Chaque mois j'aimerais placer mon RSA sur tapis vert. Même quand on fait quelque chose, ça a le goût de la mauvaise époque. Les poches vides, faut rester fort, la mama gobe de mes docks. Le sang a trop coulé de brilla, corbeille et sonne. Gosse très véloce, traque des milliards comme des vrais hommes. On préfère les poussées qu'un dos. Y'a qu'avec elle qu'on oublie la drogue de luxe. Comme le whisky 14, le club de Balthazar Fix où est plein de cannes illuminées. Même en solo, mon Katana Nikto, la canade, pourtant je suis indésirable. Handicapé, pourtant j'ai des mains délicates. Malade, je conduis à fond mon train médical. Sans zigzaguer, mon brise-glace, on va le sentir passer. Les vrais font des faux, le futur est dans le rétro. Peace and love, yeah. Comme les clodos que la piscine là. On va faire 8G en vie de chien. Ma pauvre vie de chien, vous auriez dû me piquer quand on vous enlevait les moyens. Mais comme personne m'a vu venir, non. Moi je me suis retenu, contenu que depuis le début. Je comptais jouir le moment venu. Et là je vous cache pas que ça fait grave du bien quand même. De vous chécrer en face, enfin tous mes putains de poèmes. V'là la bête de Bethléem. Je suis né pour amener ma part de problème. Je comprends très bien pourquoi je ne suis pas le bienvenu. Mais ne croyez pas que j'arrive dans ce putain de jeu comme un parvenu. Parfaitement, j'avais tout prévu à deux, trois détails près, bien sûr. Merci pour le raciste et merci pour la censure. Je vous renverrai à l'ascenseur une fois que j'aurai pissé dedans. J'étais venu pisma avec vous, comment le rester longtemps? Je devrais casser des dents, mais je préfère vous casser des dits. C'est énervant, hein, de pardonner à ses ennemis. J'en suis à ses ennemis, toujours aucun malaise, mon ami. Je rappe comme je baise, me chauffe pas, on va y passer la nuit. À la base, bébé, je voulais juste chasser l'ennui. Mais apparemment, jour et nuit, depuis jour et nuit, ça me traverse la tête. Charo. Yes, Simmerich. Oh. Ouais. Yeah. Viens, LD. NTNT dans les bacs. Check. Ce qui se passe à dame, reste à dame. On séquestre, on ligote sans état d'âme. J'ai pas fini de graille, reste à table. Méga frappe fort, de reste à dame. Tu places un gramme, si la juge a ses règles, tu vas manger un an. Ferme, musulman, chrétien, juif, peu importe, je vais t'emboyer en enfer. Mec de test, on dérange ta sauterie. Fais des billets verts, on évite la zone prise. Si le patron crie, baigne propre et déterre la propriétaire. Fais des cachoteries. Trop de merde dans les bacs, on passe au tri. Pour la fausse relève, l'avenir s'assombrit. Dans la drogue ou dans l'Asie, qu'on baise la concurrence. Grâce à la qualité, pas grâce au prix. Les pédales deviennent flics, ils veulent nous mettre au car plat. Parce qu'à l'école, on mettait des front kicks dans leur tour de car. J'applique le silence du dépôt. Aucune chose à dire que des choses à nier. Prose aliénée, flow varié comme la Palestine. J'ai trop de faux alliés. Bon, casse la coulée douce. Fast food tous les jours. Du matos pour les fours. On fait ce qu'il a douane volante. Pour que la revente se fasse, il faut que je me casse en Hollande. Il faut qu'Hollande se casse. Yeah. C'est reparti pour un tour, c'est comme ça qu'on fait ça, tu sais. Fug it, yo. Pendant que tu remplis ton pif, moi j'essaye de faire mon bif. J'aimerais trouver un ticket de loto avec les bons chiffres. On trim, compte vite, et souvent nos vies sont tristes. Mes convives sont en conflit avec ces conflits et nos vies se compliquent. Pas besoin d'aller sur le bon coin pour trouver un bon deal. Non. Sur la tête de mon joint, c'est du lourd qu'on construit. De combine en combine en combinant les combinaisons. Disons qu'on a compris qu'il fallait choisir comment on compte. J'essaye de m'en sortir comme mes fils d'immigrés. J'arrive pas à dormir, dans ma tête y'a 6000 idées. J'ai pas attendu lunatique pour être civilisé, initié à un monde où la haine se trouve en illimité. Yeah, ils ont peur d'être finis. Chez nous c'est pas le générique d'Arnold et Willy. Alcool et petite rime, plus de la weed. Oui, pour éviter la vie triste. Fug it, yeah. Atteint un temps d'un attentat. J'ai décidé de sortir et de lancer ma vendetta. Au détail, la Voitech, c'est Voitech version bêta à 2.0. Je deviens létal, kicker brutal. Mais qu'est-ce qu'il faut pas gratter quand le public crève la dalle? Faut bien leur pâter. Qui a assez d'appétit pour tu pâter des batatas? Moi j'entends beaucoup d'abrutis qui patati et patata. Pathétique ou pittoresque, pitié ou compassion. Si le son c'est tout ce qui te reste, j'appelle pas ça une passion. Les MC parlent comme si personne les avait jamais aimés. Vous plaignez pas, vous récoltez ce que vous avez semé. arrêtez de ronfler, triste matrice. Dites depuis quand Morphée est devenu une roue motrice. Rien que ça discuter les disques et pilules. Mais qu'elle soit rouge ou bleue, moi j'ai jamais gobé de pilules. Toi, dis-moi ce que tu sais, dis-moi ce que tu cherches. Une grosse un peu d'amour ou un cercle plein de richesses. La farine plein le zen, la prout a fait du zèle. Mais dis-moi, tu ferais tel pour une poignée d'oseille. Planqué dans les immeubles, les képis sont sur l'imam. Gros pen est dans la tête, sa den est dans la cam. Les frères sont en cavale, les petites sœurs tout avalent. Même en te disette, moi, Hemdoulin, ça va. La juge est libertine, elle veut l'homme de la savane. L'homme des cavernes ou bien l'homme des caravanes. Alcoolique dans la merde car elle croit voir le sang du Christ. De la mer, gros, si on vient fourrer la matrice. Si, si, je serai dans le game, ce qu'on vit c'est le haut de gamme. T'es malade des gaines, gros, je suis un brin polycam. Police 17, et les voilà sur mon palier. Je suis en blanc dans le 18 avec mon site journalier. C'est pour la famille, toujours préféré au tasseret. Ma blacklist, presque toujours déféré au parquet. C'est pour les martyrs qui font décéder au taquet. Pas les pédés au placé qui font desserrer nos lacets. C'est pour les bonhommes qui me souhaitent la main d'une belle fille qui kiffe la play. J'rêve encore tel Martin Luther King. Faut que les catins super chim comme les la fin d'une perquise. Écoute mon rap insubmersible à l'insu des flics. Toi, yeah. Dis-moi ce que tu sais, dis-moi ce que tu cherches. Fais du sale vite les douaniers. L'un des sables et des palmes, mais je fais du sale vite les douaniers. Gros, je descends pas du singe, moi. Juste un bananier, amazir et troya. Tinrir, goul, mi mater. Mais je suis dans mon fief, Sahara, je suis dans mon climat. Un rap sans vocodeur. Un rap sans vocodeur. Je sais, c'est pas parfait, c'est que de la merde, mais sans les odeurs. Les criquets font la queue, envoie la boucle, j'anime le briquet. T'en fais pas pour les bacs, ils veulent pas toi si t'es pas friqué. Les flics, j'ai remis au fond. Enfin, le diable à l'œil, ton crève un porc pour me souvenir qu'autrefois, je n'étais qu'un mouton. Les idées noires, pas de cité d'or, des cités dortoirs. Miroir, miroir chez moi. Blanche tes cheveux le trottoir, alors on braque. Souvent on regrette dans la montée au break. À Mazir, toujours un zit après ce mot d'Y. Ils m'ont pris pour un PD, mais ok, je suis Omar Little. Lunettes à la Steve Urkel, sur un modèle petit blanc. Je suis sympathique, mais s'il te plaît, éloigne-toi si je pète un plomb. Je suis en plein ego trip, ils sont en plan tout court. Ils pourraient tous appeler leur projet et des mots au secours. Old school, new school, ils n'avaient pas old school. Bon, pas la potrafie, prosto, pas prosto et basta. J'ai sur mes arrières et mes prestas. Stress pas, j'arrive, mec, c'est juste que la prestarde. Et puis merde, mon ami, à mon avis. Si t'attends la suite comme un, c'est qu'il n'y a pas grand chose dans ta vie. T'as vu, ta vision du monde est virtuelle. Elle est vite F, y'a pourtant une différence entre puissance et vitesse. Victime de ton business, t'es ton propre bourreau. Bref, allez bis, je vous laisse. Ciao. Bang bang. Ça prend la suite de cette manière. Si, allez mais t'es bon, Fâché ta face, promis, je vais pas rater ta chatte. C'est place un poche, lâche un poche, lâche une tête à claque. Si t'es pas track, c'est pas grave. Joey sort les pipes à crack. Si t'as pas de CV, oublie. Rejack si ça claque, c'est vrai. Boutière humaine, tout part éparpillé. J'pars rimé. C'est pour tous mes branleurs qui finissent la paume égratignée. J't'égrasse cette pétasse qui est sapée classe. Et d'après moi, c'est impeccable. Mais croise les doigts, j'écrase les crânes des saletés qui font que zapper, zapper. Hein. J'pénètre des tubes cathodiques avec un pur sparconique. Comme ça, j'baisse tout le monde, pas que les putes laconiques. Et même les plus catholiques m'écoutent. Puis ma colique s'échouait sur l'état promis. Mis par colis piégé, confidence pour confidence. Je vois que des ambidances et qu'on me finance ou en freelance. Mes compétences sont de confiance, mais confine l'entrée. J'arrive en me tortillant. Si on se détruit la vie comme des tocs, c'est pour être sûr d'être encore vivant. On continue sur cette prod ou on en balance une autre? Le missile débarque direct de la papette. Miss qui nous frappe le beat pendant que tu fais de la zig de ta bête. Si c'est ça qui speed, dis-moi comment tu comptes nous la mettre. 610 méga maltraite le mic, font du bif sur des barrettes de hache. Prennent pour cible ces bâtards de la caisse des barres. M'écarte les gueules, là du game. Tous les jours je tabasse des prods, non le hip hop n'est pas d'être. Fresh out de fuck, c'est l'emblème des boucs de ma team. Faut que tu bouges, on arrive dans la cabine, j'fous la merde, gars. J'suis des Terman, ils veulent tous grind ma part. Mais moi ou Mike, j'les mets mal. Pécho le beat par les cheveux et lui tape dans son. Bonda, c'est le bordel, pourtant c'est gros et pas d'orcel. T'es trop l'Aztec, tu crois que tu déchires mais t'es pas Sten. Toi ils sont le ruine, comme un penalty dans une pastèque. Je fasse pour mes partenaires et plie ta rime même si j'ai pas de tech. Check. Égal que ma vie sans le goût de ma lame, j'ai pas une voix de miel. J'ai quelques couplets de fous malades égarés sur des boîtes mail. Je veux quitter cette routine, dans le métro assis, partir en Croatie. Tout le monde se barre s'il y a que de l'oasis. On investit des pistes rentables pendant que toi tu serres les fesses. Goon à la prod, je tire dans le tas comme un sniper sur Pierre Ménès. Nique sa mère, l'autofoot, Jean Clarcy. T'as une tête de jompie, j'augmenterai les tarots comme sur les airs d'autoroute. T'as mon engin dans la bouche, mon univers c'est le pario. Les lits superposés, tout pérave qui font quand tu bouges. Faut que j'atteigne mon but, mon silence en dilon face aux inepties. Y'a tellement de bulles, on dirait que mon pilon fait de l'épilepsie. Poto, fais péter le son des vainqueurs. Sors les calages comme mon oncle, mes tontons sont des flingueurs. J'ai les crocs, pas destiniens. Timité avec ces putes, même si on perd, on reste pro palestinien. Ok, l'animalerie, Missa. L'animalerie dédicace à Lyon aussi parce qu'ils nous écoutent aussi un petit peu ces bâtards. Oh que oui, la vie un voyage au pays des cons, donc moi je reste à l'hôtel. Je suis défoncé malgré moi comme le trou de balle à Faudel. Migraineux, je trouve que des in, je me shoot à la colère et je touche du bois pour que dans 20 ans nos gosses courent dans la forêt. Faire carrière, je crois que c'est chaud, mais c'est pas grave tant que ça rappe. Y a un bail que j'aurais dû signer, là je parle pas de mon appart et je me braque dans ce que je fais. Vaut mieux ça plutôt que je braque des banques qui me narquent. Mais en fait vaut mieux que je m'en tape plutôt que je tape des gens. Je les encule tellement que je devrais prendre des actions chez Durex. Je les croyais quand elles juraient qu'elles étaient plus vraies que ma putex. Je les tuerais si je m'écoutais, donc c'est mieux si toi tu m'écoutes. Pas direction artistique vu que je passe mon temps sur les routes. Tant pis si je fais pas un tabac, je comptais pas me faire fumer. Choisis le roi, c'est de là que j'écris le résumé. Je parie que toi tu bats triple soir sûr. Ma vie, je veux croire que ma zig peut les rassurer. Y'a qu'à 9 mois que le vagin est une porte de sortie. Donc compte pas sur la baisse pour que ta vie soit moins sordide. Quand j'étais gosse, j'étais seul, c'était chaud. J'étais un enfant pas comme les autres, un petit peu comme Corky. Tu m'aimes pas, je te comprends, je reconnais que moi non plus, je m'aimais pas avant de mieux me connaître. Si j'étais Dieu, je te sauverais, mais Merlis, c'est pas moi. J'ai que deux yeux, deux oreilles, ma grosse bite et ma voix. Ouh. Enculé. Absolument. Dédicace au mec à Bois d'Arcy. Si. C'était la session live dans l'émission à l'instant. Merci à vous tous. Merci pour l'invite, à tous ceux qui sont passés au freestyle ce soir dans l'émission. Merci Manon Fire sur Route Culture. Partout sur VLDTV, VLDTV, sur Google Play. Et joyeux Noël, joyeux réveillon à tout le monde. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël. Si vous prenez les routes, vos proches, soyez prudents. Si vous êtes pété, ne prenez pas la route. Ou alors prenez-la avec quelqu'un qui est sobre. Faites-moi un cadeau, suivez-moi sur Instagram. Misak-LNMLR. Bonjour. Bonjour. L'Instagram VLD Sullivan. Merci à vous tous, Val. On se retrouve demain pour la suite de ce Planète Rap. Pas de problème. Ce sera entre 20h et 21h sur Skyrock. Et juste avant de retrouver la radio libre de Difool, il est grand temps de faire tourner la roulette. Ciao. Ciao, ciao. Skyrock t'offre une Citroën C1 d'une valeur de 10 000 euros. Des fringues Watibé, en plus l'intégrale du Watibé en CD. Et on fait tourner la roulette avec Mathilde en Bretagne. Ça va sur les routes bretonnes, j'ai l'impression, Mathilde. Oui, c'est ça. Donc toi, tu passes au réveillon en bagnole. T'es avec qui? Je suis avec mon chéri là. Et c'est quoi l'ambiance là? Vous allez où? Au réveillon ou ça va? Non. Ça, ça ne donnera rien. Ouais, bah oui, il a fermé un peu, on n'entend rien là. Non, je disais, tu fais quoi ce soir? Réveillon ou... Ouais, réveillon en famille du côté de Rennes. Et là, vous êtes à la bourse, c'est ça le truc? Ouais, là, on cherche une station essence parce qu'on a plus d'essence. Ah, en plus. Et on est paumé. Voilà, soirée de réveillon de loose. Et bah, bon courage. Merci. J'ai envie de te dire, au moins, regarde, tout n'est pas perdu, il y a la roulette. Ouais, c'est cool ça. Allez, dès que tu veux, tu dis stop Mathilde, c'est parti, la roulette tourne. Ah ouais, énervé Mathilde, hein. Il faut du carburant. Hein. Et bah l'intégrale Watibé, elle est pour toi, ça y est, c'est fait. Merci. Avec la casquette, et puis attention, je prends ta petite fiche. Regarde, je la mets dans l'urne Skyrock. Tirage au sort, tiens, 5 janvier, chez Difool le matin, le retour avec toute l'équipe du morning de Difool. T'auras peut-être une voiture, une C1, Citroën C1 d'une valeur de 10 000 euros. Le rendez-vous le 5 janvier entre 6h et 9h. Ok, ça marche. Et bah, je te fais un bisou, Mathilde. Bah, joyeux Noël. Joyeux Noël, bon réveillon. Il s'appelle comment ton fiancé? Arnaud. Arnaud, et bah, joyeux Noël, soyez prudent sur la route. Ouais, ça marche. Et essayez d'arriver un petit peu avant la bûche. Ouais, on va essayer. Ciao, ciao Mathilde. Salut. Ciao et joyeux Noël à vous tous. Bon réveillon à tout le monde. Courage hein, à ceux aussi qui sont seuls. On pense à vous évidemment, ceux qui bossent. Il y a pas mal qui bossent aussi. Courage à vous tous. Il est grand temps de passer le réveillon. Tiens, d'ailleurs, maintenant, avec toute l'équipe de la radio libre de Difool. Et on se retrouve demain, 20h-21h, avec Val. Ciao.